Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va parler de l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et des élections européennes. Et ça y est, les négociations vont commencer en vue de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Oui, tout à fait, les dirigeants de l'Union européenne ont décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, en dépit de l'opposition affichée du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui n'a finalement pas usé de son droit de veto. C'est une victoire pour l'Ukraine, pour toute l'Europe, une victoire qui motive, inspire et rend plus fort, a immédiatement lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Rien n'était pourtant vraiment joué. Tout à fait Yves, cette annonce faite le 14 décembre au cours du sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles met fin aux incertitudes croissantes de ces derniers jours au sein des 27. La Hongrie en effet menaçait depuis plusieurs jours d'utiliser son veto à l'encontre de la candidature ukrainienne et à son arrivée à cette rencontre, le Premier ministre hongrois Viktor Orban soulignait encore son opposition à l'ouverture des pourparlers. Finalement, Budapest s'est abstenu, son dirigeant a quitté la pièce pour marquer son refus. Et si ce choix porte un coup à la solidarité des 27, il permet tout de même à l'Union européenne d'envoyer un signal fort à l'Ukraine. C'est donc une grande avancée dans le but que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Oui, l'adhésion à l'Union européenne est un processus complexe qui prend du temps. Et lorsqu'un pays candidat remplit les critères d'adhésion, il doit mettre en œuvre la législation de l'Union européenne dans tous les domaines. Tout pays satisfaisant aux critères d'adhésion peut poser sa candidature. Neuf États sont candidats, mais les négociations n'ont pas commencé pour tous. Ces critères, appelés critères de Copenhague, concernent une démocratie stable et l'état de droit, une économie de marché opérationnelle, ainsi que l'adoption de l'ensemble de la législation européenne, y compris l'euro. Donc le pays candidat soumet sa candidature, qui demande à la Commission d'évaluer sa capacité à remplir ces critères qu'on vient d'évoquer. Ensuite, le Conseil arrête un mandat de négociation sur la base de l'avis de la Commission. Si la Commission dit oui, le Conseil va se baser là-dessus pour prendre ses décisions. Les négociations sont alors officiellement lancées et se déroulent chapitre par chapitre. Et ce n'est pas la seule annonce. Non, la Moldavie poursuit au même rythme sa route vers l'Union européenne. En effet, les négociations ont aussi été ouvertes. Pour la présidente, Maia Sandu, son pays tourne une nouvelle page aujourd'hui avec le feu vert de l'Union européenne. Les dirigeants de l'Union européenne ont aussi décidé d'accorder le statut de candidat à la Géorgie. Les négociations n'ont donc pas encore débuté. Et les 27 se disent également prêts à ouvrir les négociations avec la Bosnie-Herzégovine dès que les critères d'adhésion seront atteints. Les chefs d'État et de gouvernement demandent ainsi à la Commission européenne de présenter un rapport d'ici le mois de mars afin de pouvoir se prononcer. Bien que le processus d'adhésion de l'Ukraine soit en bonne voie, tout ne va pas dans son sens. Non Yves, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a certes accepté le début des négociations, mais a bloqué une aide européenne de 50 milliards d'euros pour Kiev. Les 26 autres pays de l'Union européenne réunis avec la Hongrie en sommet à Bruxelles ont dû s'incliner devant l'obstination du dirigeant nationaliste. Nous reviendrons sur le sujet début janvier lors d'un nouveau sommet à affirmer dans la nuit donc du jeudi 14 décembre le président du Conseil européen. Nous marquons une pause dans cette émission, on revient tout de suite après ce titre. Show you around, 'cause I'm still proud of where I start. Now I understand why life's in my hands. I've only got one plan, just me and my guitar. I got my dreams and go somewhere far from home. I'm gonna be a star, just me and my guitar. Get out of neighborhood, get dreams of Hollywood. I know that I'll go far, just me and my guitar. Just me and my guitar. retour sur Radio Fagette pour l'émission Europe on Air présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Après l'Ukraine, évoquons désormais les élections européennes. À 6 mois des élections européennes, où en sommes-nous ? Eh bien, la campagne des élections européennes de 2024 est déjà lancée. Plusieurs partis politiques français ont officialisé leur tête de liste, chargée de mener la campagne jusqu'au 9 juin 2024. Mais bien évidemment, nous reviendrons dessus à l'approche des élections afin d'y voir un peu plus clair sur les lignes adoptées par chacune des listes. Et justement, ces élections font l'objet d'un intérêt croissant ? Tout à fait, plus de la moitié des citoyens de l'Union européenne, 57%, sont déjà intéressés par les prochaines élections européennes, qui se déroulent, je le rappelle, du 6 au 9 juin 2024, et le 9 juin, c'est à un seul tour en France. Tout cela se base sur des résultats de l'Eurobaromètre publié le 5 décembre. Et est-ce que cela se traduirait par une plus forte participation ? Alors oui, un autre enseignement à tirer de l'enquête, c'est que plus de 2/3 des interrogés, 68%, disent qu'ils iraient probablement voter si le scrutin avait lieu la semaine prochaine. C'est 9 points de plus qu'il y a 5 ans à la même époque. Les Français se situent quant à eux légèrement en dessous à 60%. Pour rappel, la participation aux élections européennes en 2019 avait été de 50,66% dans l'Union européenne et 50,12% en France. Et pourquoi une augmentation de l'intérêt ? L'Eurobaromètre interroge également les citoyens européens sur leur rapport à l'Union européenne. Ainsi, on peut y lire que 70% d'entre eux pensent que les actions de l'Union européenne ont un impact sur leur vie quotidienne, ce qui encourage donc à participer. 45% des citoyens européens auraient aussi une bonne image de l'Union européenne, et ils seraient 16% à avoir une image négative et 38% avec une image neutre. Quelle est la vision des Français par rapport à la moyenne européenne ? Alors sur ces deux indicateurs, la France se situe en dessous de la moyenne européenne. Ils ne sont que 66% à considérer que les actions de l'Union européenne ont un impact sur leur vie quotidienne et seulement 36% à en avoir une bonne image. Pour rappel, c'est 36% pour les Français et 45% pour l'ensemble des citoyens européens. Il y en a aussi 23% qui ont une image négative et 40% avec une image plutôt neutre. Cet Eurobaromètre montre que l'Europe néanmoins compte. Dans ce contexte géopolitique et socio-économique difficile, les citoyens font confiance à l'Union européenne pour trouver des solutions. Une grande majorité d'Européens estiment que les actions de l'Union européenne ont un impact positif sur leur vie quotidienne. Ainsi, les intentions de vote sont plus fortes, mais que disent les derniers sondages ? Eh bien, déjà en tête en 2019, le Rassemblement national recueillerait entre 28% et 30% des voix. 19% pour la majorité présidentielle, puis viennent ensuite le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, Les Républicains et Reconquête, qui recueillent tous entre 5 et 10% des voix. Alors pour rappel, j'ai nommé ces partis parce que ces élections sont un seul tour et que chaque parti, au-dessus de 5%, obtient des sièges au Parlement européen et est donc représenté. Merci Adam, c'était votre chronique Europe on Air sur Radio Fagette, présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. A bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. A bientôt.